Salut à tous, bienvenue pour la 13e de l'émission au Talk 2, on est ravis de vous retrouver pour une belle émission encore une fois aujourd'hui puisque ça y est, Lando Norris est devenu champion du monde de Formule 1 à Abu Dhabi. Avec moi pour en parler aujourd'hui évidemment, Mathieu Champenois, Cyprien Juillard, bonjour messieurs, ça va? Salut Michael, ça va et toi? Ça va. Bah moi également, ça va très bien, comme tu l'as dit, Lando Norris champion, donc on va pouvoir discuter de tout ça après une belle et longue saison. Et oui, 24 Grand Prix qui a donc permis à Lando Norris de remporter son premier titre de champion du monde de Formule 1. On va évidemment revenir largement sur ce Grand Prix d'Abu Dhabi, le théâtre de la finale du champion du monde de Formule 1 2025. On parlera aussi évidemment de Max Verstappen qui échoue à 2 petits points et d'Oscar Piastri qui termine 3e du championnat du monde. La question hebdo parlera évidemment de Lando Norris, on vous demandera eh bien, est-ce que c'est un beau champion du monde, Lando Norris, le 35e champion du monde de l'histoire de la Formule 1. On reviendra également eh bien, sur ce qui s'est passé ce week-end en Formule 2, le début de la saison du côté de Sao Paulo au Brésil, et la Formule 2 qui terminait à Abu Dhabi comme la Formule 1. Et puis, petite surprise comme ça, pour terminer l'émission, Romain Dumas qui nous parlera eh bien, de son Dakar à venir, puisque c'est dans moins d'un mois que ça démarre en Arabie Saoudite. Et on suivra ça évidemment de très très près sur Auto Hebdo. Écoutez, messieurs, on pourra y aller pour la Formule 1. Lando Norris est donc le 35e champion du monde de l'histoire de la Formule 1, le pilote McLaren qui a terminé 3e du Grand Prix d'Abu Dhabi, qui remporte donc son premier titre mondial, 2 points devant Max Verstappen, qui est donc passé pas loin de faire le coup de 5 de suite, qui n'avait été réalisé que par Michael Schumacher, qui conserve donc ce record. Cyprien, on est sur un sacre de Lando Norris qui fait parler, mais est-ce qu'on ne serait pas sur le sacre de la véritable résilience de Lando? Parce qu'il était quand même loin à présent de Wort. Hein. Il était loin, oui, c'est un sacre qui peut faire parler, et après, dans tous les cas, c'est des maths. Hein. Il y a eu 24 Grands Prix, et puis c'est lui qui a marqué le plus de points, c'est lui qui est champion du monde. On peut pas non plus dire que Lando Norris a volé son titre. Il a eu des périodes très fortes cette année. Je pense que ça a été, pour moi, celui, en tout cas chez McLaren, et même peut-être au-delà de Verstappen, qui a été le plus fort sur des week-ends, le plus dominant, et qui a vraiment gagné des courses avec des avances considérables, etc. Il a eu aussi beaucoup de périodes de creux, il en a parlé, il a eu des doutes, il a beaucoup changé sa façon de travailler. On se souvient de cette période en début de saison notamment, il gagne en Australie, puis après pendant 6 courses de suite il gagne pas, il se fait battre par Piastri, Verstappen. Mais oui, c'est le sac de la résilience, parce que de toutes ces périodes de creux qu'il a pu avoir, de doutes, de Zandvoort aussi dont tu parlais, où il a une casse moteur, il s'en est toujours relevé, et c'est assez fort, c'est assez beau à voir, parce que c'est quelque chose dont on n'était pas vraiment sûr que Lando Norris soit capable. C'est-à-dire cette capacité à rebondir. On savait que c'était un pilote qui avait des failles mentales, qui s'en est jamais caché d'ailleurs, qui est très honnête là-dessus, qui le partage. C'est assez d'ailleurs intéressant à écouter quand il en parle. Ben, il a montré que si, en fait, il avait vraiment progressé. Il avait passé ce palier qui lui permet de rebondir, pas de sombrer dans des spirales négatives comme l'a fait Piastri, par exemple. Donc, c'est le sacre de la résilience. Et c'est un beau sacre pour Lando Norris. Mathieu ? Oui, il a fait plusieurs week-ends qui étaient franchement très complets, très pleins de sa part, que ce soit leader des essais libres 1 jusqu'à la fin du Grand Prix. Il a fait une deuxième partie de saison qui était plus qu'appliquée. En l'occurrence, il a été très très bon, et je vois Zandvoort comme vraiment un tournant dans sa saison, où on a le sentiment qu'il était au pied du mur et où il a agi comme un champion, pour le coup, à être capable de revenir progressivement, à ne pas se poser de questions. Et disons que j'ai bien aimé aussi le fait qu'il ne se décide pas de lutter uniquement contre Piastri. C'est-à-dire que mentalement, je pense qu'il a réussi à passer un cap au moment où il s'est dit « Ok, mon adversaire, c'est Verstappen, et on va réussir à aller plus, on va dire, en profondeur dans la manière de réfléchir. » Et justement, voilà, il s'est moins posé de questions, paradoxalement, et il a été plus véloce à ce moment-là. Donc, moi, je trouve qu'il a été loin de la machine dont on peut imaginer par exemple un Max ou un Lewis, mais en l'occurrence il a été très performant et surtout très efficace sur la deuxième partie de saison. Ouais, parce que même la période de creux, oui, c'était difficile en début de saison, la voiture lui convenait pas aussi complètement, mais il assurait des résultats, voilà, il essayait de prendre des petits points intermédiaires comme on dit souvent pour aller chercher ce sacre. Mais c'est vrai, on rappelle Lando Norris, il est quand même arrivé en F1 il y a 6 ans, c'était sa 7e saison en Formule 1, 7e saison avec McLaren aussi. Il a eu des opportunités de partir chez Red Bull, en tout cas il a eu des contacts avec d'autres équipes. Il a à chaque fois choisi de prolonger son bail avec McLaren. Il leur rend cela avec un titre de champion du monde. C'est ce qu'il disait, hein, beaucoup. C'est que ça fait évidemment depuis qu'il est tout petit que sa famille, ses proches mettent beaucoup dans sa carrière, investissent dans sa carrière, et il peut leur rendre autre chose que des merci. Il leur rend un titre mondial, ce qui est quand même quelque chose qu'on pourra jamais lui enlever. Il rejoint un cercle très fermé, il devient le 11e britannique champion du monde aussi. Donc, et autant vous dire, j'avais lu d'ailleurs ça, et c'est vrai que c'est pas mal du tout. Quand on voit qu'ils ont donc Lando Norris, qui va peut-être pouvoir en gagner quelques-uns encore des titres, on ne sait jamais, mais aussi Lindblad qui arrive en F1, Oliver Mann aussi qui est là avec As, Lewis Hamilton, qui pourquoi pas peut encore aller chercher son 8e titre, qui sait. George Russell. George Russell aussi. Il y a une belle lignée quand même pour nos amis britanniques. Je sais que ça va faire plaisir à Mathieu que j'en parle, mais on a un grand crack dans les formules de promotion qui arrive aussi, Freddy Slater, qui pourrait rejoindre l'Académie Audi et qui devra arriver, si tout se passe bien, en F1 2027-28 plutôt. Oui, c'est ça. Et donc oui, non, les Anglais sont toujours aussi forts. Mais moi, ce que j'aime bien aussi, c'est que tous ces Anglais, ils ont tous des profils différents. Mmh. Mais comme d'ailleurs dans tous les autres pays. Et c'est assez marrant de voir les différences entre, par exemple, un Lewis Hamilton, un George Russell et un Lando Norris. Et je trouve que cette année, c'est ça. Lando, il a vraiment insisté pour rester lui-même. Et ça, c'est très important, à mon avis, dans son titre. Il l'a dit. Il a dit, moi, j'ai été champion. Et ce dont je suis le plus fier, c'est d'avoir été champion à ma manière, mm-hmm. à la Lando, comme dit André Stella. Donc ça, c'est très important pour lui. C'était aussi quelque chose qui, je pense, a pu lui nuire à certains moments. C'est-à-dire que c'est un garçon sensible, c'est un garçon qui vit beaucoup ses émotions, qui les ressent plus fort que d'autres. Là où Max Verstappen, je vais reprendre le terme de machine qu'a employé Mathieu, mm-hmm. est très froid, en tout cas dans sa manière d'aborder les courses. On l'a vu très détendu en arrivant à Abu Dhabi. Même après la course, il a perdu, mais il a dit « Oh, bah, de toute façon, moi, j'ai fait mon max. » Oui, voilà. Sans mauvais jeu de mots. j'ai fait mon max, j'ai vu ce que je pouvais, j'ai gagné la course. Bon, bah, je suis pas champion, c'est pas grave. Je m'en fous. Et Norris, lui, il avait plus cette pression qu'il se mettait tout seul. Mais, ce qui est normal. Hein. Ce qui est normal. C'est son premier titre. Hein. C'est son premier titre. C'était la première fois aussi qu'il se battait vraiment pour un titre. Parce c'est que ça. L'an dernier, on avait eu, en deuxième partie de saison, une McLaren très forte qui était revenue sur la Red Bull, qui était devenue la voiture de référence, finalement. Et il avait déjà montré quelques petites choses intéressantes et aussi beaucoup de failles, beaucoup d'erreurs, etc. Ça a été un peu la même chose en début d'année. Puis il a vraiment travaillé là-dessus. Moi, j'aime beaucoup voir ça. C'est-à-dire voir la progression d'un pilote quand il décide vraiment, quand il comprend ce qui va pas chez lui, ce qui va pas dans sa manière d'aborder les choses. Et il l'a expliqué en longueur, c'est retrouvé d'ailleurs dans le magazine de la semaine, l'interview d'Ando Norris où il explique ça. Il explique qu'il a changé les gens qui l'entouraient, sa façon de travailler, ses collaborateurs, et au final ça fait lui un champion du monde. Et comme tu l'as très bien dit, c'est quelque chose que personne pourra jamais lui enlever. Exactement, tu parlais de Max Verstappen, je veux bien qu'on passe sur lui effectivement, parce que j'ai beaucoup apprécié sa réaction, dans le sens où il avait dit en 2021, quand il avait enfin remporté ce premier titre mondial, voilà, j'ai atteint l'objectif, maintenant 2, 3, 4, 5, 12, bon voilà, c'est que du bonus, c'est pas très grave. Et il l'a prouvé en acceptant la finalité de cette saison, en disant, bah voilà, il avait été, comme tu dis, détendu, content pour Lando Norris aussi, et ça fait aussi plaisir de voir que une bonne partie du paddock était contente aussi pour Lando Norris de le voir champion du monde. Et voilà, et je pense que on entre dans une ère un petit peu différente, peut-être de la F1, où gagner un titre, c'est vraiment ce pourquoi tous ces pilotes travaillent d'arrache-pied, mais ils comprennent aussi qu'il y a autre chose derrière, assez rapidement, je trouve. Lando Norris, il l'a dit, voilà, il a réalisé son rêve de gosse. On sent que s'il peut en gagner 4, il sera content, mais voilà, il l'a fait. Verstappen, il est champion du monde, voilà, il l'aurait été cette année, il aurait été très content, là il l'est pas, c'est pas grave. Piastri, peut-être que ce serait un peu la même chose. Je sais pas, il y a une atmosphère un peu différente, menée par Max Verstappen, qui apporte aussi ce souffle un peu nouveau depuis quelques années en F1. Je sais pas ce que vous en pensez, Mathieu, peut-être En l'occurrence, Max, il l'a toujours dit, et je pense qu'il fallait le croire de ce point de vue, son premier titre, c'était le plus important pour lui. Il a à la fois ce côté, comme je disais, machine, de dire que bah voilà, il se concentre course par course, et justement il n'est pas à se poser trop de questions, et il fait vraiment le travail qu'il faut. En l'occurrence, ce week-end a été un très bon exemple. Voilà, il a pas gagné, mais il a gagné quand même. C'est-à-dire qu'il a gagné la course, mais il a pas gagné le titre. Je suis assez d'accord avec toi sur le fait qu'on arrive dans une dimension peut-être plus humaine aussi de la Formule 1. Est-ce que c'est une question de génération ? Est-ce que c'est aussi peut-être une question de profil, hein, parce que ça s'étend à tous les sports, mais justement, dans la décennie 2010, on a eu beaucoup de sportifs, toutes catégories confondues, qui justement vivaient pour le fait d'accumuler les titres et de battre tous les records. On a eu quand même plusieurs générations comme ça qui sont arrivées et qui ont tout écrasé. Lewis Hamilton, évidemment, en a fait partie en sport automobile. Donc je dirais que je pense qu'on va peut-être retrouver un jour ou l'autre un champion qui peut-être aura l'objectif de tout battre et tout accumuler à nouveau. Mais c'est vrai qu'en ce moment, oui, ça fait du bien d'avoir cette fraîcheur aussi de champions qui voilà, ne veulent pas forcément devenir les plus grands. Et d'ailleurs, Max l'a dit, on en a parlé, je crois que c'était la semaine dernière sur le site autohebdo.fr, en l'occurrence, que Max, si l'année prochaine ça lui convenait pas, la réglementation, bah, il serait prêt à partir, quoi. Et je pense que oui, il a toujours été dans cette logique de dire je fais mon maximum, je prends du plaisir, et si j'en prends plus, j'arrête. Là, c'est là où moi, je différencie aussi les plus grands en termes de palmarès et les plus grands en termes d'image et de ressenti, finalement. Vous voyez, quand on parle des plus grands pilotes de l'histoire de la Formule 1, on met tout de suite Ayrton Senna dans la discussion, alors qu'Ayrton Senna, finalement, c'est que, entre guillemets, trois titres de champion du monde. Tout à fait. C'est vrai. On ne met pas Nelson Piquet, qui a aussi trois titres au même niveau qu'Ayrton Senna. Donc, dans l'imaginaire collectif, évidemment. Donc, je pense qu'il y a un peu ça aussi. C'est un Verstappen, je pense qu'il est déjà, avec tout ce qu'il a fait depuis 2021, mais même avant, en fait, depuis qu'il est arrivé en Formule 1 en 2015. Oui, depuis 2015, clairement. Hein, depuis 2015, ouais. Il est arrivé à 17 ans. Il a été déjà très, très bon chez Toro Rosso. Il gagne sa première course chez Red Bull. 2016 à 18 ans, c'est quand même exceptionnel. Et pareil, ça revient un peu sur ce que je disais sur Norris, c'est la progression de Verstappen qui est intéressante à suivre. La maturité acquise au fil des années fait qu'aujourd'hui, c'est le pilote le plus complet de la grille, c'est le meilleur de tous. Je pense que personne ne peut nier que c'est le meilleur pilote du monde, même s'il n'est pas champion cette année. Il n'y a qu'à voir comment il maltraite ses coéquipiers, il n'y a qu'à voir comment il arrive à faire performer une Red Bull qui est beaucoup moins performante qu'elle n'y paraît entre ses mains. Donc, par exemple, si Verstappen prenait sa retraite, comme tu l'as dit, en 2026, avec 4 titres de champion du monde, est-ce qu'on serait pas sur un des plus grands de l'histoire, hein, comme Senna l'a été voilà, je sais pas, peut-être, en tout cas, selon moi, oui. Donc, je pense que ces pilotes comprennent ça, ils comprennent qu'en fait, les chiffres, c'est bien, empiler les records, c'est bien, si vous avez l'occasion de le faire, faites-le, si vous êtes Rafael Nadal, que vous avez l'occasion de gagner 14 fois Roland-Garros en 2006, 2007, vous n'allez pas vous en priver. Mais c'était bien à ça que je faisais allusion, effectivement. Voilà, bah, des Nadal en tennis, enfin, des Messi avec ses ballons d'or en foot, il y a pléthore d'exemples dans tous les cas, mais je ne suis pas sûr que Verstappen soit un chasseur de records, enfin, c'est même sûr que non, et je ne suis pas sûr que Norris ait envie de le devenir, et je pense aussi que tous ces pilotes ont conscience de quelque chose, c'est qu'aujourd'hui, la Formule 1 a besoin de compétition, a besoin d'être un show qui plaît aux gens, qui garde les gens surtout, parce qu'on a eu toute cette audience ramenée par Netflix, donc il faut la conserver. Et pour ça, qu'est-ce qu'on fait? On change les réglementations régulièrement pour changer l'ordre. Donc là, on a une réglementation qui change après 4 saisons seulement. Pour enchaîner 7 titres, en avoir 7 dans sa carrière, comme l'a fait Hamilton, comme l'a fait Schumacher, là, il faut s'accrocher, parce que la Red Bull n'était pas la meilleure voiture avant 2022. La Red Bull sera peut-être pas la meilleure voiture en 2026 si on prend l'exemple de Verstappen. Elle était déjà plus en fin de réglementation. Donc, elle l'était déjà plus depuis mi-2024. Voilà, ce qui est arrivé très vite, hein, donc ça change assez rapidement. Mais je rejoins aussi le fait que cette saison, de toute façon, va faire date. Chez Max Verstappen, il avait 104 points de retard sur le leader du championnat après Zandvoort. Il finit à 2 points seulement. Et honnêtement, vu comment le Grand Prix s'est passé, voilà, il suffisait d'un Charles Leclerc qui arrivait à mieux tenir ses pneus ou quoi que ce soit, et ça pouvait encore changer, et ça pouvait basculer dans le bon sens. Il suffisait d'un Yuki Tsunoda qui aille à la Checo Pérez School of Defending, hein, parce qu'à un moment donné, là, le ministre de la Défense n'a pas été... Oui, ou à la Nicolas Latifi School of se mettre dans le mur. Ouais, mais là, ça aurait été compliqué de... Ça aurait été drôle, là. Oui. Ça aurait été drôle, mais ça aurait été compliqué à justifier tout ça. Il mais fallait voilà. passer via Racing Bulls, tu vois, que ce soit Lawson ou Hadjar. Voilà. Ça aurait été plus difficile. Mais c'est vrai que c'est la... Je sens qu'il y a eu ça aussi chez Verstappen, c'est ce côté de dire, bah, de toute façon, voilà, lui, il a fait tout le boulot qu'il devait faire sur toute la deuxième moitié de saison. Il a été irréprochable depuis la trêve estivale. Bon, il devait compter sur des choses annexes, elles ne se sont pas passées, voilà. Et pour conclure rapidement sur Verstappen, moi ce que j'ai aimé aussi chez lui, pourtant ce n'est pas forcément le pilote que je préfère, notamment par rapport à son état d'esprit en piste, hein, on l'a déjà dit, il a plusieurs fois quelques déboires, en l'occurrence, que j'aime moins, des tendances peut-être parfois à aller au-delà de la limite ou à jouer avec la limite. Et ben, je trouve que même là, il s'est modifié cette année. C'est-à-dire que, voilà, je l'ai toujours dit, même sans être fan de Max Verstappen, il faut reconnaître que cette année, on a moins eu ce côté-là. Et notamment, il y a eu un avant et un après Barcelone. Je mets entre parenthèses Mexico, dans lequel, je vous l'ai déjà dit dans cette émission, je trouvais que c'était très, très border. Et en l'occurrence, s'il avait gagné, j'aurais pas pu m'empêcher de me dire... Il y a quand même eu cet épisode-là. Mais il y a eu un avant et un après Barcelone. Et d'ailleurs, on l'avait vu hier, justement, en conférence de presse, où la question lui a été posée par rapport à Barcelone. Et lui, c'est un peu agacé, voilà, ouais. Face aux journalistes. Et je peux le comprendre parce que, quelque part, il l'a déjà dit cette saison qu'on ne reverra plus ça de lui. Alors après, c'est à voir maintenant si c'est effectif, si c'est vrai. Mais on ne reverra plus ça de lui, qui regrettait effectivement d'avoir été comme ça fut un temps. Et donc maintenant, on n'attend plus qu'à avoir justement cette version bonifiée de Max Verstappen. Peut-être un petit peu moins incisive, mais en tout cas, moi, je ne demande que ça. Je mets un petit bémol, c'est qu'il n'a jamais été en tête du championnat. Parce que tous les mauvais exemples de Verstappen, à part Barcelone, mais tous les mauvais exemples de Verstappen par le passé, c'est quand il était en tête du championnat et qu'il était défendant. C'est pour ça que je dis j'attends de voir. Donc voilà, on verra s'il retrouve les sommets. Ça, je suis d'accord. Il faut aussi penser qu'il a juste pris en maturité et qu'il est devenu père il y a quelques mois. Aussi. Ça joue aussi, parce que à sa place, je me dirais, bon, aussi, quelle image j'ai envie de laisser plus tard, quand on parlera de ma carrière à mon enfant, Est-ce qu'on lui dira mon père faisait n'importe quoi en piste, insultait ses adversaires, leur rentrait dedans volontairement? Bon, je pense qu'il y a tout ça aussi qui rentre en compte, qui fait que c'est un package global. Il n'a pas été en tête du championnat cette année, c'est vrai, il n'a pas eu à se défendre. Mais dans tout le reste, il a quand même été propre. Alors, il est toujours ferme, mais maintenant... juste cette fois-ci. Voilà, juste du bon côté de la limite. Non, mais... Et tant mieux. Après, voilà, ça, c'est toujours le même... Je pense qu'il aura le même avis là-dessus. Même si on lui dit « Ah, mais ton papa, oh là là, il n'était pas propre en piste », il fera simplement « Oh, bon, enfin, elle s'est remise dans le trophée de champion du monde de papa, mais enfin, voilà. Mais il ne faut pas... » Lequel des quatre? Oh zut, mais c'est incroyable ça quand même, oh là là. Évidemment. Ce qu'il avait dit lui-même, il a dit « Bonjour, il y a déjà quatre. » Bon, on en est. Oui. Donc, en cinquième, voilà. Ça aurait fait beau, mais bon. Ah oui, c'est ça, ça fait la main, c'est bien. Voilà, c'est, oui, c'est moins symétrique. Les quatre, tu peux mettre deux et deux. Eh ben, faut en faire six après, hein. C'est pas compliqué, hein, de toute façon. Ah oui, mais pour en faire six, faut en avoir fait cinq, du coup, t'as raison. C'est pas pour cette année. Voilà, on verra si ça sera à partir de 2026. On va vous poser maintenant, dans quelques instants, notre question hebdo, c'est parti. Lando Norris est-il donc un beau champion du monde de Formule 1? Parce que là, on vous a déroulé les faits, hein, de tout ce qui s'est passé cette saison, mais le ressenti, c'est aussi quelque chose qui compte un petit peu. On le disait, 35e champion du monde de l'histoire, il y en a eu des inconcevables, hein, des Jenson Button, champion du monde, alors qu'on ne l'imaginait pas, puis ensuite qu'il a eu une super carrière. Keke Rosberg. Des Keke Rosberg, bien sûr, des Damon Hill aussi, mais aussi des pilotes dont c'était une évidence absolue, Michael Schumacher, Lewis Hamilton et d'autres. Où est-ce qu'on pourrait placer Lando Norris dans cette liste? Est-ce que, Cyprien, tu considères que, avec tout ce qu'il a vécu là, avec ce qu'il a vécu avant en Formule 1, en Formule 2 aussi, voilà, sur l'ensemble de sa carrière, est-ce que c'est un beau champion du monde? Oui et non. Je sais que tu détestes quand je fais des réponses de politicien comme ça, Michael, mais moi, je pars du principe, comme je l'ai dit en tout début d'émission, que oui, c'est un beau champion du monde parce qu'il est champion du monde. Maintenant, Tim Chiffon, quand même, c'est que cette année, pour moi, c'est pas le meilleur pilote qui a gagné le titre. Et ça, moi, je trouve que ça fait perdre un peu de la... Du crédit de Lando Norris. Il y a eu beaucoup d'erreurs. Alors, il faut aussi définir ce qu'est un beau champion du monde. Est-ce que c'est celui qui domine toutes les courses? Est-ce que c'est juste, je ne sais pas, celui qui donne le plus d'émotions? Je pense que Norris a su donner de l'émotion à ses fans cette année, beaucoup plus qu'Oscar Piastri, qui est beaucoup plus froid, par exemple. Mais il y a eu des périodes creuses qui font... je ne vais pas revenir dessus, toutes ces périodes creuses, mais qui font... Pour moi, le tableau est un peu plus gris. Ça reste un assez beau champion du monde, mais pour moi, s'il n'a qu'un seul titre, il sera plus dans la case des Keke Rosberg et des Jenson Button que dans celle des Hamilton ou Schumacher. Ceci étant dit, à la fin de la saison, il est champion du monde, il a battu son coéquipier, il a fait une saison avec 7 victoires, ce qui est quand même très fort, il est déjà devant bon nombre de pilotes au palmarès de la F1 qui sont des excellents pilotes en termes de victoires, en termes de pole position, en termes de podium. Maintenant, il a un titre, ce qui est beaucoup plus aussi que nombre de très bons pilotes, donc ça reste quand même un assez beau champion du monde, mais je mets un petit bémol. J'espère pour lui qu'il aura un deuxième titre et qu'il pourra montrer plus de choses, dominer plus, s'affirmer encore plus, parce que ça manquait encore un peu de... un petit truc. Après, tu dis que c'est pas le meilleur pilote qui a été champion, c'est pas la première fois non plus. C'est malheureusement le problème de la Formule 1, c'est que le meilleur pilote doit avoir la meilleure voiture aussi pour pouvoir aller... Et là, tu vois, Mathieu, c'est là où il va nous parler de Fernando Alonso. Bah déjà, bien sûr, parce que si le meilleur pilote était champion du monde chaque année, Alonso sera 12 titres, évidemment, minimum. Là, il l'a dit, non, mais, hein, en début de week-end. Non, mais ça fait depuis que j'ai pas gagné, en gros, que le meilleur n'a pas gagné. Ouais, il a dit ça fait 19 ans que le meilleur pilote... Et il a tout à fait raison, bien sûr. Non, mais... Tu vois, j'avais même pas cet exemple-là en tête, mais... Non, mais 96. Oui, Damon Hill est champion du monde, oui. Mais le meilleur, objectivement, c'est sans doute Schumacher. Parce qu'il y a une Ferrari qui est complètement au fond du seau et qu'il arrive à gagner trois courses avec. 2009, est-ce que Button est vraiment le meilleur sur l'ensemble de la saison? Il y a match. Oui, ça peut être Vettel. Il y a discussion aussi, ça peut être Vettel, ça peut presque être Barrichello, parce que Barrichello, lui, quand la voiture était pas bonne, était au rendez-vous. Donc, il y a beaucoup de cas dans l'histoire de la Formule 1 où il y a ce genre de choses, et j'avoue que personnellement, un titre de Lando Norris, ça me procure pas des émotions de folie, évidemment. Ça fait partie de ces champions normaux. Non, mais pour moi, t'as tout dit, et ça revient sur ce que je disais, c'est-à-dire que c'est un champion normal, Lando Norris, et du coup, on le met exactement dans la case de ceux que t'as cités, des Damon Hill, des Jenson Button. Donc, oui, il nous a pas procuré d'émotions, pas spécialement. Je pense qu'aucun d'entre nous était ému devant sa télé hier... en le voyant gagner, mais... Je pense qu'il est nécessaire de différencier le fait qu'il ait gagné en tant que pilote Et là, à mon avis, il n'y a pas grand-chose à remettre en question, parce que notamment, il a été très solide, je l'ai dit tout à l'heure, en deuxième partie de saison, où là, il a été vraiment assez clinique à certains moments. Ah oui. Je pense que ce qui fait aussi qu'on a cette espèce de goût un peu amer, c'est la gestion de la saison de McLaren. En fait, il faut être honnête, je pense que aurait, à mon avis, on aurait tous préféré voir un Verstappen gagner, évidemment, toute proportion gardée, parce que McLaren a géré ça de manière à... soit pour certains dire bah, on avantage un petit peu Lando parce que sans avoir l'air d'y toucher on y touche quand même un petit peu et puis d'un côté bon, bah, voilà, il faut reconnaître qu'ils ont fait une voiture qui a été très rapide dès le départ, ils ont arrêté le développement tôt et pour autant ça a continué d'être très très efficace à chaque fois. Et donc ce qui peut nous laisser un petit peu ce goût amer, c'est le fait qu'on a presque le sentiment que c'était une consigne de ne pas vraiment avoir d'effusion de joie, de pas vraiment... Voilà, tout était très propre chez McLaren cette saison. Et c'est plus ça, moi, qui m'a, à titre personnel en tout cas, un petit peu frustré. C'est le côté, bon bah, oui, ok, Lando mérite son titre et bravo à lui, et ça, il n'y a absolument rien à redire. Mais à la fin, voilà, est-ce que c'était une saison qui était en apothéose? Bah non, parce que oui, en termes de chiffres, il y a 2 points d'écart entre les deux premiers. Oui, en termes de nombre de victoires, ils étaient à 7 partout entre les 3 leaders. Mais est-ce qu'il y a eu beaucoup de batailles en piste entre les 3 qui nous, vraiment, un mano à mano, week-end après week-end? Je trouve pas tant que ça, en tout cas. Non, ça dépendait des week-ends. C'est vraiment dominant. Exactement, il y a eu des dominations un peu alternatives. Donc, je pense que c'est plus le scénario de la saison dans son ensemble qui fait qu'on est un petit peu sur le frein à main. On a tellement eu des belles années dans les années, justement, où ça jouait à pas grand-chose. 2021 étant un très bon exemple, même si la conclusion n'était pas au rendez-vous. Mais il y en a eu d'autres, même, par le passé. Ouais, mais tu vois, 2021, moi, il y a un truc qui me marque, c'est quand même l'excitation, je trouve, que les gens avaient avant la finale, oui, qui était pour moi beaucoup plus élevée que cette année. Cette année, tout le monde était un peu excité. Mais bien sûr, les 3 pilotes pour ouais, le mais c'est normal aussi. Le 2021, c'est un truc qu'on revivra jamais. Mais c'est deux pilotes au sommet de leur art qui sont. Et oui, parce que justement, deux équipes qui prenaient des décisions fortes, qui ouais, prenaient leurs responsabilités, qui s'affrontaient vraiment. On avait McLaren, Mercedes, pardon, et Red Bull à l'époque. Il y avait quand même, c'était deux équipes avec une forte personnalité. Toto Wolff et Christian Horner, c'était pas Andrea Stella, je suis désolé. Et puis parce qu'il n'y avait pas de retenue. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y avait un Grand Prix, on savait qu'ils allaient vraiment tout laisser sur la piste et que chaque point allait être maximisé. Et là, en l'occurrence, McLaren a sa part de responsabilité parce que cette année, ce n'est pas du tout ce qu'ils ont fait. Ils gagnent à 2 points, mais honnêtement, si on est très honnête entre nous, ils auraient pu gagner avec beaucoup plus d'avance et même gagner avant Abu Dhabi s'ils avaient mieux géré. De toute façon, ils perdent 18 points déjà, Norris. Voilà. Déjà, ils auraient dû faire un et deux au championnat. Voilà. C'est pas normal que Piastri soit pas de ça, c'est quand même ce qui est assez anormal. Mais moi je mettrais quand même dans le... Allez, c'est un beau champion dans le sens où il a battu un Verstappen au sommet de son art. Et ça, c'est... Tu vois, c'est... Indéniable. J'ai un peu la même sensation que quand Rosberg a battu Hamilton. On s'est dit, oh bah voilà, Rosberg est champion, machin. C'était un peu basique pour tout le monde. Mais d'un autre côté, il faut se souvenir qu'il a battu Lewis Hamilton, qui était sur une série de titres monumentales avant et après. Il a battu ce qui se faisait de mieux en Formule 1. Et aujourd'hui, Norris, il avait une meilleure voiture, certes, sur la globalité de la saison, mais il a battu ce qui faisait de meilleur. Il a tenu le coup face à une remontée de malade mental, alors que Piastri est complètement passé à la trappe, même si c'était que sa 3e saison en Formule 1, Oscar Piastri. Donc voilà, il apprend, et c'est bien d'avoir plus d'outils pour le titre aussitôt dans sa carrière. Mais voilà, Norris, il a quand même dû résister à une tempête. Et comme on dit, il perd pas 18 points à Zandvoort, bah, il a 20 points d'avance au total sur Verstappen, et il se fait pas disqualifier à Las Vegas pour une erreur de son équipe, il a plus d'une victoire d'avance. Donc... Ouais, après ça... Pour moi, ça marche dans les deux sens. Donc, oui, mais si Antonelli rate pas son freinage en Autriche, il dégomme pas Verstappen. Oui, non, bien sûr, c'est ça. Voilà. Mais est-ce que sur l'ensemble de la saison, qui perd le plus de points, je sais pas. Sans même parler de la casse moteur ou de la disqualification, moi, je parle plus des décisions qui ont été prises l'une après l'autre. On a vraiment le sentiment que cette fameuse compensation a fait perdre beaucoup trop de points. Oui, mais par contre, Monza. Ah oui. Il récupère 3 points, Monza. Ben c'est peut-être les 3 points qui lui permettent d'être champion. Voilà, ils ont peut-être eu raison finalement chez McLaren de faire ça sur ce entre coup-là. Entre ça et le dépassement sur Antonelli à 2 tours de la fin au Qatar, il peut dire merci à Antonelli de s'être manqué. D'ailleurs, évidemment, on condamne toute forme de harcèlement sur les réseaux sociaux envers Kimi Antonelli, parce que le pauvre, je pense qu'il va subir là encore plus les foudres des fans de Max Verstappen comme Nicolas Latifi avait subi celle de ceux d'Hamilton en 2021. Ouais, non, clairement, non, ça c'était vrai, c'était vraiment scandaleux ce qui était passé effectivement dans la foulée de ce Grand Prix du Qatar. Mais voilà, il y a 5 points déjà, hop, qui sont récupérés, qui tombent du bon côté. Voilà, c'est une saison de toute façon. Et c'est Max Verstappen qui le disait aussi. Voilà, oui, on peut pointer des moments de saison, mais à un moment donné, c'est 24 courses. on gagne sur 24 courses, on perd sur 24 courses, voilà, faut les prendre comme et ça. Deux points au bout de 24 courses, c'est beau quand même. C'est formidable, c'était pas arrivé depuis longtemps en plus, un écart aussi serré au championnat. Donc voilà, il faut... C'est la première fois depuis que la victoire est à 25 points, que l'écart est aussi faible à l'arrivée, donc depuis 2010. Allez, après avoir parlé de Formule 1, on va passer quand même sur ce qui s'est passé aussi sur ce week-end, mais c'était des formules aussi, de la Formule E et de la Formule 2. Vous allez voir, c'est plutôt sympa. Et pour parler Formule 1, on retrouve Valentin Glo qui a suivi tout ce week-end de Sao Paulo. Comment ça va, Valentin ? Ça va, et toi, Michael ? Ça va très bien. Il revient du pays de la samba, non ? Non, malheureusement, j'étais pas au Brésil, j'étais pas au Sao Paulo, malheureusement. J'étais dans la grisaille parisienne. Mais il a dansé la samba devant la course, on suit absolument certain. C'était un début de saison qui a quand même marqué. Hein, avec, disons que c'était animé, puisque sur les 20 voitures sur la grille, seulement 13 ont vu le drapeau à damier. Pas mal d'abandons, notamment, on en reparlera, celui de Pepe Marti, très spectaculaire. Et une belle victoire de Jack Dennis, et surtout Citroën, qui signe déjà un podium pour sa première course en monoplace. Ouais, avec Nick Cassidy, effectivement, qui termine en troisième position. Voilà, c'était... Ça va être un bon week-end pour Citroën, quand même, pour commencer cette aventure. Oui, Jean-Éric Vergne a fait des belles qualifications. Tout d'abord, il s'est hissé en quart de finale où il a été éliminé par Eduardo Mortara. Malheureusement, pour Nick Cassidy, c'était un peu plus compliqué. Éliminé dès la phase de groupe, il était d'ailleurs très mécontent de sa performance. Seulement 15e sur la grille, mais c'est une course qui a récompensé les pilotes les plus patients, notamment sur l'utilisation des deux mains d'attaque. Et Nick Cassidy a réalisé des très beaux dépassements pour monter jusqu'à la 3e place. Et malheureusement pour Citroën, Jean-Éric Vergne a lui abandonné sur un problème technique. Après, le drapeau rouge, il n'a pas pu repartir. Ah, les drapeaux rouges justement dont tu parles, puisque Pepe Marti nous a quand même fait une sacrée frayeur. Ça fait deux ans de suite que quelqu'un finit en tonneau à Sao Paulo, après oui, Pascal Wehrlein l'an dernier. Tout à fait, Wehrlein l'an dernier. Et là, Pepe Marti qui a fait une belle frayeur, qui a fait un beau soleil, si je peux me permettre, puisque... au moment de la fin de course, il restait 4 tours, il me semble. Donc, on a tout d'abord eu Mitch Evans qui est sorti de la piste, qui a provoqué un full course yellow. Et au moment de l'activation de ce full course yellow, Pepe Marti a été surpris par le freinage devant lui d'Antonio Félix da Costa et de Nico Müller. Et le jeune espagnol qui fait ses débuts en Formule 1, il ratait d'ailleurs la finale de la Formule 2 pour faire ses débuts, a été surpris, a tout d'abord touché la monoplace de Nico Müller, puis a littéralement décollé sur celle de Da Costa et est parti en tonneau dans la ligne droite principale du circuit. Heureusement, le pilote va bien, s'en est sorti indemne, il s'est excusé, mais c'est une nouvelle preuve en tout cas que le halo depuis son introduction sauve certaines vies. Ouais, il est bien utile, ça c'est sûr, mais c'est vrai qu'il a, ouais, il a marqué de son empreinte en tout cas sa première manche en Formule 1. Oui, et il a marqué de son empreinte la monoplace d'Antonio Félix da Costa, puisqu'on voyait les traces du pneu sur la Jaguar du Portugais, c'était assez impressionnant. C'est quand même complètement fou effectivement, mais donc voilà, on va voir s'il pourra marquer autrement la saison. On espère pour lui. Parti, parce que la Kiro Cupra est quand même pas mal aussi, hein, quand on voit Dan Ticktum. Dan Ticktum était deuxième sur la grille et malheureusement il s'est fait rentrer dedans au premier virage par Nick De Vries, et ce qui a causé son abandon. Et après toutes ces péripéties, c'est donc Jack Dennis qui l'emporte pour Andretti. Oui, Jack Dennis qui avait récupéré la pole position après la pénalité infligée à Pascal Wehrlein, puisque les deux s'affrontaient en finale. Mais Wehrlein a été pénalisé de 3 places sur la grille avant même la finale, puisqu'il a été reconnu coupable d'avoir chauffé ses pneus dans la voie des stands en demi-finale, ce qui est interdit. Donc l'âge de la patience pour Jack Dennis aussi en course, puisque le Britannique a bénéficié de la sortie de la voiture de sécurité après un accident entre Mortara et Di Grassi, enfin plutôt le fait que Mortara a été envoyé dans le mur par Lucas Di Grassi, c'est plutôt ça. C'est plutôt ça qui s'est passé, ça, faits, si voilà. On est honnête. Genre, Lucas Grassi a pris une belle pénalité pour la prochaine course suite à cet événement. Et en fait, à ce moment-là, Jack Dennis était le seul pilote des 7 premiers à ne pas avoir encore utilisé son deuxième mode d'attaque. Il restait l'intégralité de son deuxième boost. Et du coup, il allait le chercher directement à la relance de course, ce qui lui a permis de dépasser tout le monde pour aller s'imposer. Et il aurait pu emmener avec lui son coéquipier Philippe Drogovic dans le mouvement, parce que Philippe Drogovic était le deuxième pilote à ne pas avoir utilisé tous ses modes d'attaque. Malheureusement pour le Brésilien, le drapeau rouge a ruiné un possible premier podium qu'il de toute façon n'aurait pas eu, puisqu'il a été pénalisé de 5 secondes à l'arrivée. Oui, ils ont été bien occupés, les commissaires. C'était animé, on verra si ce sera toujours le cas le mois prochain, puisque c'est en janvier 2026 qu'on retrouvera la Formule 2 du côté de Mexico City. Le 10 janvier, tout à voilà, fait. Le 10 janvier, petite pause hivernale donc pour la Formule 2 après une manche, c'est bien, c'est important. Non, mais écoutez, il faut quand même passer des fêtes, c'est bien normal. Ce week-end, il y avait la Formule 2. Eux aussi, ils vont rentrer en trêve hivernale. Tout va bien. Ils ont fini leur saison à Abu Dhabi, mon cher Mathieu. C'est ça. Bah écoute, le titre était déjà joué. En tout cas, le titre pilote, puisque Leonardo Fornaroli avait déjà gagné au Qatar. Cela dit, Invicta a réussi à sécuriser le titre par équipe, puisque c'était le dernier enjeu qui restait dans ce championnat, devant Hightech en l'occurrence. Invicta qui a notamment bénéficié du fait que Roman Stanek ait fait la pole position dès le vendredi. Et ensuite, Leonardo Fornaroli qui lui aussi a été plutôt appliqué. Néanmoins, il s'est fait un petit peu piéger, puisque je vais commencer par la course principale, on va commencer par la fin, puisque la course principale, ça a été la plus animée des deux. C'était vraiment très intéressant à suivre, même si c'était plus pour l'honneur qu'autre chose. En l'occurrence, on a eu une belle bataille à deux entre Arvid Lindblad, qu'on retrouvera donc en F1 l'année prochaine, et Leonardo Fornaroli, donc, qui est le champion en titre. Les deux se sont battus pour la première place pendant bien 3-4 tours consécutifs. C'était vraiment une belle bataille à suivre. C'était intéressant, cette course principale. Malheureusement pour les deux, ils se sont fait piéger par la stratégie, puisqu'ils étaient partis en pneu médium et ils comptaient chausser les tendres un petit peu plus tard. Vu que les voitures de sécurité ont été déployées, il y en a eu deux qui ont été déployées, mais avant, malheureusement, leur arrêt au stand, eh bien, ils se sont fait rétrograder. Ils ont terminé une anonyme, on va dire, 9e et 11e place. Mais cela dit, c'est quand même un week-end solide pour Lindblad, donc qui termine 9e de la course principale et qui gagne la course sprint la veille. Donc c'est un plutôt très bon dernier week-end de F2 pour lui, étant donné qu'il rejoindra donc Racing Bulls l'an prochain. Il était aussi présent en EL1, justement, du côté de la Red Bull de Yuki Tsunoda, si je ne dis pas de bêtises. Donc oui, c'est un week-end symbolique pour lui. Je pense que, en tout cas, on va avoir hâte de voir le Britannique à l'œuvre l'an prochain. 18 ans, on rappelle. 18 ans, tout à fait. Il a fait seulement une saison de F2. Hein. Il a terminé la 6e de cette fameuse saison. Il était d'ailleurs devancé par Pepe Marti lorsque Pepe Marti faisait la saison jusqu'à son départ de la F2. Voilà, encore quelques petites réserves à son égard, mais on verra bien ce qu'il donne l'an prochain. Et puis pour Leonardo Fornaroli, eh bien, pour l'instant, pas de nouvelles de son aventure en 2026. On pouvait s'attendre à ce qu'il rejoigne la grille de Super Formula, mais depuis qu'il a signé avec l'Académie McLaren, eh bien, on n'a pas encore de nouvelles, donc ça devrait, à mon avis, pas tarder. Ouais, on verra effectivement ce qu'il en sera. Et puis voilà, on est en décembre, c'est la période des fêtes, les cadeaux, tout ça, donc j'ai un cadeau voilà, pour vous, que je donne de la part de Pierre Barré quand même, parce qu'on rend à César ce qui appartient à César. Salut. Une petite interview tiens, pour terminer cette émission avec Romain Dumas qui participera, on le rappelle, au Dakar avec un Ford Raptor en janvier prochain en Arabie Saoudite. Bon, ce week-end, c'est le 7 Race Track du côté du circuit Pôle Mécanique à Alès. Il y a quelques personnalités du sport automobile qui sont présentes et notamment Romain Dumas, bien sûr. Alors Romain, on est dans votre jardin hein, puisque vous avez vos installations à quelques kilomètres d'ici. Évidemment, on profite de votre présence pour vous parler des prochaines échéances et notamment de ce Dakar, comment le projet avance. Bon, ça a été un projet qui s'est décidé très tard, le 15 septembre. Bon, on en a parlé très tôt avec Ford, et puis finalement, ça n'avançait pas vraiment. Et puis le 15 septembre, tout à coup, il y a eu une possibilité d'avoir une voiture, etc. Tout s'est mis rapidement en place. On a récupéré la voiture fin septembre. Elle est arrivée ici toute neuve. Donc on est vite allé au Maroc, essayer la voiture 3 jours. Bon, on n'a pas fait beaucoup de kilomètres quand même. Tout a été vraiment précipité. Donc vous dire comment ça va se passer, comment ça s'annonce... Vous dire qu'on est prêt, ça serait mentir. Maintenant, on va essayer que ça se passe au mieux. Le but, c'est essayer de faire des kilomètres, de se remettre un peu là-dedans. Ça fait 2 ans que je n'en ai pas fait, mais voilà, de forme de rien, si ce n'est de rester sur la route le plus longtemps possible, en espérant jusqu'à la fin, et de, voilà, de performer un petit peu quand même, faire des kilomètres. Bon, ce qui est déjà pas mal, il y avait une petite incertitude aussi sur la personne qui allait être à votre droite hein, sur ce Dakar. Est-ce qu'on peut en dire un petit peu plus à Laurence Parle ? Oui, bon, je ferai maintenant ça avec Alex Vinok, qui a beaucoup d'expérience. Pourquoi l'incertitude ? Ben, toujours pareil, c'est que ça a été décidé tellement tard que ces 2 dernières éditions que j'ai fait, j'étais avec Max Delfino, avec qui on a commencé à avoir une bonne relation, à se comprendre. C'est la difficulté du Dakar, en fait. C'est vraiment d'avoir la compréhension avec ton copilote comparé à un rallye normal. Là, il y a tellement d'indications, etc. Il faut vraiment savoir ce que le mec à côté te raconte, que ça te parle, comme un rallye, quoi. Donc, ça s'est décidé la semaine dernière, vraiment un petit peu aussi tard. Maintenant, bon, le gars, lui, il sait faire, c'est sûr. L'habitude ensemble, on ne l'a pas. Maintenant, c'est un peu comme quand je faisais le Mans au début, on dira qu'on a 14 jours pour se comprendre, donc ça va être long, donc on verra. Bon, on vous souhaite le meilleur, en tout cas, on suivra tout cela, et notamment, bien sûr, sur les différents supports d'Auto Hebdo. Merci Pierre, merci Romain Dumas, merci Valentin, merci Mathieu, et merci à Cyprien merci aussi, Michael. Qui nous regarde de là où il est, c'est-à-dire derrière cette caméra-là, pour tout vous dire, c'est quand même formidable. Merci beaucoup d'avoir été là et de nous avoir suivis pour cette nouvelle émission, et on se retrouve lundi prochain, ciao ciao.